Prisonnière, détenue, libérable, bâillonnée ou censurée, LSD à l'heure d'été, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, liens, replay et podcast pour la Taïga, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter et sur Instagram, n'hésitez pas à laisser des messages. Et la semaine prochaine, c'est la rentrée sur France Culture et pour LSD aussi. Et on ira écouter ensemble les transidentités racontées par les trans.